D'après-midi à l'écoute de France Inter, il est 13h20, l'heure de retrouver, comme tous les samedis, Patrick Pénaud. Rendez-vous avec X. L'histoire est sulfureuse, parce qu'elle met en cause un chef d'État étranger, parce qu'elle met en lumière les insuffisances ou la soumission de la justice française au pouvoir, parce qu'elle illustre les aspects les plus pervers de la raison d'État. Je veux parler de l'affaire Borel, du nom de ce magistrat retrouvé mort à Djibouti en 1995. Une mort qualifiée hâtivement de suicide après une enquête aussi brève que bâclée. Mais l'obstination de l'épouse de ce juge aura raison de tous les obstacles qu'on a mis sur son chemin. Et aujourd'hui, grâce à son obstination, la thèse du suicide est sérieusement mise en doute. Avant d'écouter Monsieur X, rappelons que Djibouti, ancienne colonie française, territoire minuscule et sans ressources, occupe néanmoins une position stratégique au débouché de la mer Rouge et donc du canal de Suez. La France y maintient toujours sa plus importante garnison militaire à l'étranger. Et, guerre d'Irak oblige, les États-Unis y ont également implanté une base qui leur permet de surveiller la région et même de frapper à distance des structures terroristes établies dans cette zone excessivement sensible. La présence militaire américaine, qui concurrence maintenant ouvertement celle de la France, est même si considérable qu'un observateur a pu rebaptiser cette corne de l'Afrique, qui serait désormais la corne de l'Amérique. Mais revenons à l'affaire Borel. Si le magistrat français, qui se trouvait à Djibouti en tant que conseiller technique du ministre de la Justice, ne s'est pas suicidé, qui l'a assassiné et pour quelle raison? Monsieur X se propose de répondre à ces deux questions. Nous, rendez-vous avec X. Comme beaucoup d'anciennes colonies, Djibouti est une création parfaitement artificielle qui fait fi des réalités ethniques. C'est sous le Second Empire que les Français s'installent à Djibouti, essentiellement pour faire pièce aux Britanniques qui, eux, occupent Aden. Ouais, c'est-à-dire sur la côte opposée. Oui, hein? C'est ça. Oui, oui. Et la France se taille un territoire où vivent côte à côte deux ethnies. Les Afars, qui sont des Éthiopiens du Nord, et les Issa, qui sont des Somaliens. D'ailleurs, la nouvelle colonie s'appellera longtemps la côte française des Somalis, avant d'être baptisée territoire français des Afars et des Issa. Mais je me souviens. Donc, deux ethnies hostiles, hein? Bah, presque forcément, j'allais dire. Car c'est le colonisateur qui leur a imposé ce mariage forcé. Et malgré l'irrésistible mouvement d'émancipation des années 60 qui aboutit à l'indépendance de la plupart des anciennes colonies européennes en Afrique, la France tarde à se défaire de Djibouti. Oui, je pense que c'est à cause de sa position stratégique. Bien sûr. Nous avions là-bas une garnison de plusieurs milliers d'hommes. Une garnison qui, entre parenthèses, faisait vivre ce petit territoire extrêmement pauvre et peuplé d'un demi-million d'habitants. Et pour demeurer à Djibouti, la France a largement exploité la division ethnique en favorisant les Afars. Non, contre les Issa. Oui, parce que les Issa étaient les plus remuants et réclamaient à corps et à cri leur rattachement aux grands frères somaliens. Tandis que les Afars, eux, étaient partisans du maintien de la présence française. Mais ça ne pouvait pas durer éternellement. Mmh. Une parenthèse quand même avant de poursuivre là. Quelle était l'ethnie dominante? En nombre, c'était les Issa. D'autant qu'ils ont été rejoints par de nombreux Somaliens qui ont passé la frontière. Mmh. Dès le début des années 70, des mouvements indépendantistes voient le jour et passent à l'action. Une action armée? Évidemment. Et ça leur est d'autant plus facile qu'ils disposent d'une base arrière naturelle. Oui, ça c'est la Somalie. Bien entendu, oui. Enfin, la situation deviendra tellement tendue que la ville de Djibouti deviendra une sorte de camp retranché, protégé par des barbelés. Et je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais en 1976, des indépendantistes Issa s'empareront d'un car scolaire transportant une trentaine d'enfants de militaires français. Oui, je me rappelle, en effet. Et attendez, je connais d'autant mieux cette affaire qu'un auditeur de Lyon, M. Charlas, je crois, m'a envoyé récemment tout un dossier sur cette prise d'otage. Eh bien, il faut le remercier. Ben oui, les terroristes menaceront d'égorger les enfants si l'indépendance n'est pas accordée à Djibouti. Oui, mais nos gendarmes, hein, le GIGN passera à l'action. Ah oui, le GIGN, tout nouvellement créé, oui. Quatre des ravisseurs sont abattus. Toutefois, un cinquième aura le temps d'utiliser sa mitraillette et tuera une fillette et blessera plusieurs autres passagers avant de mourir à son tour. Enfin, je vous passe les autres développements de cette dramatique affaire. En tout cas, Il est évident que cette recrudescence de violence convaincra les autorités françaises d'accélérer le processus de l'indépendance. L'indépendance qui interviendra quand Un an plus tard, en 1977. Ah, oui. Mais la France obtiendra quand même de conserver sa garnison. Oui, hein. Oui, mais ça coûtera très cher. Car il faudra non seulement entretenir cette troupe qui rassemblera jusqu'à 4000 hommes, sans compter le matériel et les avions, mais la France devra aussi payer des redevances à la République de Djibouti pour l'occupation de cette base. Oui. Et comment alors se règle le conflit entre les ethnies à l'heure de l'indépendance? Apparemment, ça se passe bien, au moins dans un premier temps. Un Issa, Hassan Gouled Aptidon, est élu président de la République par la Chambre des députés, tandis qu'un Afar doit devenir son premier ministre. Enfin, ça, c'est une fiction. En réalité, Gouled, et donc le clan des Issa, accapare aussitôt le pouvoir. Il ne le lâchera qu'en 1999. Ça, c'est peut-être une autre affaire. Hein. Et c'est un autre Issa qui lui succédera, son propre neveu. On en reparlera, si vous voulez bien. Oui, mais... J'imagine que cette situation là, va aussitôt envenimer les relations entre les deux ethnies. Ben, naturellement, parce que les Afars se sentent floués et ne tardent pas à manifester leur mécontentement. À la fin donc, de cette même année, 77, un attentat attribué aux Afars est perpétré dans un café fréquenté par les ressortissants français. Il y a 2 morts et plusieurs dizaines de blessés. Est-ce que ça veut dire que c'est la France qui est attaquée? Oui, la France qui a en quelque sorte patronné l'accession au pouvoir des Issa. Mais... Parce que vous savez, est-ce que notre pays intervient réellement dans la politique de la Nouvelle République? Elle ne peut pas être tout à fait indifférente. Quand vous possédez autant de militaires dans un si petit pays, vous avez forcément une influence, ne serait-ce que parce que vous assurez à ce pays une grande partie de ses ressources. Donc alors, soyons clairs, la France soutient les Issa. C'est certain. Et elle ferme les yeux sur toutes les exactions auxquelles se livrent les autorités djiboutiennes. Quoi, des exactions contre les autres, les Afars? Oui. Mmh. Il s'agit d'une sorte de nettoyage ethnique perpétré dans la plus grande discrétion. Et sans que les militaires français interviennent? C'est exact. Et remarquez-le bien, en France même, on parle très peu de ce qui se passe à Djibouti et les visiteurs trop curieux sont très vite invités à repartir chez eux. Ouais. Alors, il s'agit donc d'un régime raciste, dictatorial? Oui, avec un parti unique, le RPP, le Rassemblement Populaire pour le Progrès. Qui est le parti du président? Oui, un parti que les opposants rebaptisent aussitôt RPP, rien pour le peuple. Et le président Gouled est régulièrement réélu grâce à des élections douteuses. Il n'accordera d'ailleurs une constitution à son pays qu'au bout de 15 ans de pouvoir. Le résultat, c'est que les Assars vont finir par se révolter. Il y a d'abord en 1987, un nouvel attentat dans un café fréquenté par les Européens. 5 Français sont tués. Encore un attentat Afar? Ça, je n'en sais rien. Il aurait pu aussi s'agir d'une provocation du pouvoir. Pour justifier la politique anti-Afar? Pourquoi pas. Et d'ailleurs, 3 ans plus tard, un autre café, le Café de Paris, est également la cible d'un attentat. Un enfant français y trouve la mort. Et là encore, cet attentat qui va avoir une grande importance dans l'affaire du juge Borel est très curieux. Expliquez-moi, là, pour quelle raison? Les auteurs qui seront arrêtés sont pour la plupart des militaires djiboutiens. D'origine, Afar? Non, des Issa, des opposants, paraît-il. Ça veut dire alors que tous les Issa ne sont pas unis? Et non, il existe plusieurs tribus qui ne sont pas forcément d'accord entre elles. Et justement, il se murmure à Djibouti que le pouvoir aurait commandité cet attentat pour se débarrasser des membres un peu trop remuants d'une tribu rivale de celle du président en place. Ouais. Un peu compliqué, mais enfin... Alors, revenons à ce que vous disiez, la révolte des Assars, c'est bien ça? Il va s'agir d'une vraie rébellion. Il crée un mouvement armé, le FRUD, c'est-à-dire le Front, oui. Le Front pour la restauration, l'unité et la démocratie, rassemblant une dizaine de milliers de combattants. Ce front, donc, conquiert assez rapidement les 2/3 du pays et menace même la capitale, Djibouti. Oui, c'est sérieux. Et comment réagit le pouvoir, là? Il est d'abord désemparé. La situation paraît même si délicate que pour la première fois, l'armée française s'en mêle. Et sous le prétexte de s'interposer entre les deux camps, elle donne un bon coup de main au président Gouled en stoppant l'avance des troupes du FRUD. Et permet donc au pouvoir de renforcer considérablement les effectifs de son armée. Et comment, là, ce renforcement de... Essentiellement en recrutant des mercenaires aux frontières du pays. Oui, c'est-à-dire en Somalie? Oui, ouais. On verra aussi quelques Serbes. Et cette armée va compter jusqu'à 20 000 hommes. Pour un petit pays d'un demi-million d'habitants, c'est énorme. Ces militaires, nombreux, vont-ils réussir à juguler la rébellion? Certainement. D'autant que l'armée française s'est repliée et a regagné ses cantonnements. Oui, ça ne me paraît pas tout à fait innocent. Ça, je ne le pense pas, non. En fait, très honnêtement, je ne pense pas que la France avait une préférence pour l'une ou l'autre des parties. même si avec le temps s'étaient noués des liens privilégiés avec les institutions en place et les hommes aussi qui les représentaient. Ouais. Non, non, non, l'important pour la France et les militaires français, c'était que l'ordre règne. Et les Issa, majoritaires en nombre, semblaient les mieux placés. C'est aussi simple que ça. Ouais, quitte à faire quelques entorses à la morale. Mais comme toujours. La rébellion a-t-elle vaincu ? Non. Non, elle subit des coups très durs, on assiste à de nombreux massacres. Mais les affaires résistent. Il y a aussi des réconciliations provisoires, des accords de cessez-le-feu qui ne tiennent pas très longtemps. Enfin bref, en 1995, l'année qui nous intéresse... C'est l'année de la mort du juge Borel. Hein, oui. Donc la situation à Djibouti est chaotique. Et pardonnez-moi d'avoir été aussi long, mais il fallait que vous sachiez tout ça. Enfin, toutefois, il faut aussi ajouter un élément important. Le président Gouled est alors très âgé. Et le véritable homme fort du pays, c'est son neveu, qui est aussi son chef de cabinet, Ismaël Omar Guelleh. C'est lui en particulier qui a la haute main sur les organes de sécurité. Et vous avec X ? Dans son livre Noir Silence, François-Xavier Verschave, grand spécialiste de ce qu'il a lui-même appelé la France-Afrique, cite des propos d'Antoine Comte, défenseur de plusieurs opposants djiboutiens. L'avocat évoque l'action de l'armée française au début des années 90. L'armée française s'interpose au nom d'intérêts prétendus humanitaires, aller porter de l'eau, des aliments, des médicaments aux populations qui sont derrière la ligne de la guérilla. Mais elle poursuit en réalité un but totalement militaire. À l'abri de cette espèce de ligne Maginot nouvelle manière, l'armée djiboutienne recrute en Somalie de nombreux mercenaires et quadruple ses effectifs. Mais à la fin de l'année 1992, cette interposition cesse miraculeusement, alors que les conditions objectives qui avaient justifié sa mise en place n'ont pas cessé. Se produit alors une offensive de l'armée régulière qui, compte tenu de son renforcement, balaye la guérilla et la repousse vers l'Éthiopie. Hassan Gouled songe enfin à mettre en place une constitution ultra-présidentielle. Il organise des élections truquées, puis procède à un véritable génocide tribal. Les gens sont massacrés par centaines, repoussés dans le meilleur des cas vers les frontières érythréennes, le régime dictatorial ayant toujours prétendu que le FRUD n'était pas djiboutien. La répression est féroce. Des témoignages de députés de la majorité attestent que les routes sont jonchées de cadavres. À travers cette opération militaire, on cherche à liquider, une fois pour toutes, l'opposition dans ce pays, et celle-ci étant en grande partie affaire à exterminer cette ethnie. Alors après ce long préambule, venons-en au dossier Borel. C'est en octobre 1995 qu'une patrouille de gendarmes français découvre le cadavre d'un homme déshabillé et à moitié carbonisé au fond d'un petit ravin, à quelques dizaines de kilomètres de Djibouti. Et cette découverte était le fruit du hasard ? Non. Les gendarmes ont été intrigués par la présence d'un 4x4 vide à proximité de ce ravin. Sur le siège avant du véhicule, des vêtements soigneusement pliés. Et près du cadavre, il trouve un briquet, un bidon d'essence vide, une sandale et une montre intacte. Il pense aussitôt que l'homme s'est immolé par le feu, puis s'est jeté dans le ravin. Oui, ça semble assez logique, en effet. Non ? Le corps est donc transféré à Djibouti, et grâce à l'immatriculation du véhicule, il est rapidement identifié. Ce cadavre est celui d'un magistrat français, conseiller technique auprès du ministre djiboutien de la Justice. Et son épouse, également magistrate, est prévenue. Tandis que les autorités tant françaises que djiboutiennes concluent au suicide. Oui, il n'y a pas d'enquête. Non, non, Elisabeth Borel, effondrée, ne songe pas à contester la thèse du suicide et revient très vite en France avec ses deux enfants. Les représentants français à Djibouti lui promettent que les photos de la découverte du corps et les résultats de l'autopsie lui seront prestement envoyés. Toutefois, de retour en France, elle reprend ses esprits et commence à se poser des questions. Alors, elle a des raisons de douter ? Oui. Avant même son départ, il s'est passé quelque chose de très curieux. Un Français, appartenant à la représentation diplomatique à Djibouti, est venu lui rendre visite. Et il lui a dit que son époux possédait une lettre qui, si elle tombait dans les mains des autorités djiboutiennes, pourrait se révéler très embarrassante pour un capitaine de la gendarmerie. Capitaine, un Français ? Oui, celui-là même qui a procédé aux premières constatations dans le ravin où l'on a découvert le cadavre de Borel. Mais cette mystérieuse lettre ne se trouve pas dans l'appartement du magistrat. Autre élément bizarre, Borel, la veille de sa mort, a retiré de sa banque une importante somme d'argent en liquide. Son épouse retrouve les billets dans la sacoche de son mari, il y est joint une note manuscrite. « Je n'ai pas dépensé cet argent, tu peux le rapporter à la banque. » Ça, c'est bizarre, hein. Ouais. Et puis elle se rappelle que son mari, toujours la veille de sa mort, lui avait fait état de son inquiétude. Mais il n'en avait pas dit plus. Enfin, mais Elisabeth Borel ne l'apprendra que plus tard, un pompiste témoignera spontanément avoir servi de l'essence au magistrat. Un homme, un blanc, était assis dans le 4x4 à côté de Borel. Puis il y a encore le fait que les documents qu'on a promis de lui envoyer ne lui sont toujours pas parvenus. Oui, en France. Oui. Ouais. Et le corps de Borel alors? Il a été rapatrié en France et inhumé. Elisabeth Borel ne remet pas encore la thèse du suicide en doute, mais il y a décidément des choses bizarres dans cette affaire. Voilà, l'impression qu'on ne lui a pas dit la vérité. Ça. Ouais, elle veut savoir. Elle demande donc à la juridiction à laquelle elle est rattachée, Toulouse en l'occurrence, d'ouvrir une information judiciaire pour recherche des causes de la mort. Oui, c'est d'autant plus facile qu'elle est magistrate, hein, faut absolument. Le rappeler, hein. Elle veut donc en particulier qu'une autopsie du corps de son mari soit pratiquée. Parce que, attends, il n'y a pas eu d'autopsie à Djibouti? Non, pour des raisons prétendument religieuses. Djibouti est majoritairement peuplé de musulmans. Le médecin a simplement procédé à un examen extérieur du corps. Alors, est-ce que Mme Borel obtient l'exhumation du corps de son époux? Oui, et une autopsie est pratiquée. Mais la magistrate n'aura connaissance de ses conclusions que très tardivement, un an après. Et pourtant, les constatations du médecin légiste sont très troublantes. Le praticien note en particulier qu'on ne trouve nulle trace de suie dans les poumons de Borel. Ça pourrait vouloir dire que le magistrat a été brûlé alors qu'il ne respirait plus. Alors, il aurait été tué avant, hein, et carbonisé ensuite. C'est ça. D'autre part, il est très curieux que seule la partie supérieure du corps est brûlée. Si Borel s'était aspergé d'essence, tout son corps a dû être carbonisé. Quand les photos prises sur les lieux parviennent enfin en France, un expert affirme que les objets dispersés autour du corps ne correspondent pas à la trajectoire de la chute du magistrat. Autre sujet d'étonnement, on ne constate pas de traces de rayonnement thermique à l'endroit où le corps a été découvert. Alors que le feu, surtout avec l'essence, a sans doute été très intense. Ouais, de là à penser que le corps a été transporté et jeté dans le ravin. Bon. Si je vous suis bien, là, Mme Borel se persuade donc peu à peu qu'on a assassiné son époux. Et elle dépose une plainte dans ce sens. Elle est certaine que son mari avait mis son nez dans une affaire embarrassante pour le pouvoir djiboutien. Mais quoi alors? Dans les papiers de son époux, elle a découvert qu'il s'intéressait particulièrement à l'attentat contre le Café de Paris. Cet attentat, alors on en a parlé tout à l'heure. Cet attentat qui avait causé la mort d'un petit Français. Oui, en 1990. À la suite de ce drame, deux informations avaient été ouvertes. L'une en France, suivie par le juge d'instruction, le Loir, et l'autre confiée à la justice djiboutienne. Or, Borel avait été en contact avec le Loir à chacun de ses voyages à Djibouti. Et en raison de sa situation privilégiée au ministère djiboutien de la justice, on peut penser qu'il avait aidé son collègue parisien. Ce qu'on peut se demander, c'est est-ce qu'il avait personnellement découvert des éléments nouveaux à propos de cette affaire? On peut le penser, oui. Et ça pourrait être l'explication de son assassinat. Enfin, si assassinat il y a eu. Hein. Pourquoi pas? Je vous ai dit que cet attentat avait sans doute été commandité par des gens très proches du pouvoir djiboutien. Enfin, je poursuis. À la suite de la plainte de Mme Borel, le dossier quitte Toulouse et deux juges d'instruction parisiens sont nommés. Et parmi eux se trouve le juge, le Loir. Le Loir, c'est une coïncidence, ça. Ça m'étonnerait. Pourquoi alors? Le procureur qui l'a nommé a pu penser légitimement que le Loir, connaissant déjà Djibouti, était sans doute le magistrat le mieux placé pour mener l'enquête sur la mort de Borel. Je n'ose pas imaginer autre chose. Quoi? Soyez plus clair, là. Qu'on ait nommé ce magistrat qui était au mieux avec ses collègues djiboutiens dans le but, par exemple, d'étouffer cette histoire. Et d'en rester la thèse du suicide. Car il existe une volonté manifeste tant à Djibouti qu'à Paris d'en finir. Et Mme Borel doit se heurter à chaque pas à une passivité coupable, sinon étrange. En France, il est clair qu'on n'a pas envie d'envenimer nos rapports avec les autorités de Djibouti. Ce qui ne manquerait pas d'arriver si de puissants personnages de la Petite République étaient mis en cause à la fois dans l'attentat contre le Café de Paris et la mort de Borel. Alors, l'enquête, quand même, là. Je voudrais avant de faire une courte parenthèse, si vous voulez bien. L'autre enquête du juge Le Loir, celle sur l'attentat du Café de Paris, débouche sur un procès devant une cour d'assises spécialisée. Et quatre des acteurs sont condamnés par contumace à la réclusion criminelle à perpétuité. C'est une cour d'assises à Paris. Hein. Oui, mais les autorités djiboutiennes n'extradent pas ces nationaux. Ouais. Donc ces hommes échappent à notre justice, c'est ce que vous voulez dire. Ouais. Absolument. D'ailleurs, deux sont déjà libres. L'un, officiellement, s'est échappé et l'autre est simplement placé sous contrôle judiciaire. Est-ce qu'au cours de ce procès-là, le pouvoir djiboutien a été mis en cause? Non, mais on a quand même observé au cours des débats que Djibouti avait tout fait pour que l'affaire ne sorte jamais. Et les parties civiles ont rendu un hommage vibrant au travail du juge Leloir. Mmh. Bon, alors refermons cette parenthèse. Ouais. Et voyons la suite de l'enquête sur Borel. En 1999, je crois, après donc, le procès du Café de Paris, les deux juges d'instruction se rendent à Djibouti. C'est un espoir pour Mme Borel. Hein. Certainement. Mais elle a rapidement une très mauvaise impression. Elle constate qu'on s'intéresse plus à la personnalité de son époux qu'aux circonstances mêmes de son décès. Et il lui revient de méchants bruits. Son mari, déprimé, aurait eu une vie privée agitée. Enfin, on parle d'une maîtresse et même de pédophilie. Oula. Vous savez dire son mari ? Et donc expliquer son suicide par le désordre de sa vie privée. Et découvert, peut-être même, victime d'un chantage, le magistrat aurait craqué. Rendez-vous avec X. En novembre 1997, Elisabeth Borel accorde une interview à Paris Match. J'en extrais ce passage, elle parle du maquillage de la mort de son époux en suicide. Cette comédie macabre prouve bien qu'il y a quelque chose derrière. La mort d'un homme ne compte pas par rapport à l'enjeu de la présence française à Djibouti. Si c'est à cause de l'attentat du Café de Paris que mon mari est mort, jamais la France ne reconnaîtra qu'elle lui a demandé d'intervenir. Ce qui me rassure, c'est que le poste n'est toujours pas pourvu. Je me suis battu pour cela. Maintenant, j'espère qu'on va entendre les Français et les Djiboutiens impliqués dans ce dossier. L'instruction reste à faire. Question. Pensez-vous qu'elle aboutira un jour ? Réponse. Tout dépendra des moyens que la justice se donnera. Il a fallu attendre que je me constitue partie civile pour mettre en doute la version officielle et ouvrir une information d'assassinat. Si je vais contre la raison d'État, qu'on me le dise, mais qu'on arrête de me prendre pour une imbécile. Je veux savoir, c'est tout. Ce drame a détruit la vie de 4 personnes. Je n'ai pas d'instinct de vengeance, mais il faut que justice se fasse, car c'est la 3e fois qu'on assassine un magistrat dans notre pays. Il y a eu le juge Renaud, le juge Michel, et puis il y a Bernard Borel, mon mari. Bon, vous avez parlé d'enquête sur la personnalité du juge Borel, hein, mais peut-être serait-il temps de me parler justement de l'homme. Ah, volontiers. Mais autant vous le dire, à ce que j'en sache, son parcours est celui d'un homme sans histoire. Un catholique pratiquant, un homme de rigueur, profondément persuadé de la grandeur de sa tâche de magistrat. Il est sorti major de l'École nationale de la magistrature. Ah, c'est pas n'importe quoi, ça. Ouais. Et il a été nommé assez rapidement procureur à Lisieux, où il a eu à traiter d'affaires particulièrement difficiles, dont l'assassinat d'une petite fille. Et c'est sans doute pour respirer un autre air qu'il a demandé au ministère de la Justice de devenir coopérant à l'étranger. En tout cas, enfin, j'imagine. Cette enquête sur la personnalité de son mari, et puis ces rumeurs malveillantes, hein, ont dû choquer Mme Borel. C'est certain. Et autant le dire tout de suite, elle et ses avocats auront toujours des rapports détestables avec les deux juges d'instruction. Pourquoi ? Parce qu'on les soupçonne de vouloir clore le dossier au plus vite ? Oui, oui. Maintenant venons-en à l'apparition de surprise de deux témoins. Le premier est un réfugié politique djiboutien qui a trouvé refuge en Belgique. Ancien officier de la garde présidentielle. Il affirme avoir surpris une conversation dans les jardins du palais quelques heures après la découverte du corps de Borel. Entre qui et qui, là ? Ce témoin raconte que plusieurs hommes seraient descendus de 2x4x4. Parmi eux, il y aurait eu des Blancs et un des Djiboutiens condamnés en France pour l'affaire du Café de Paris. Ces hommes se seraient entretenus avec le chef de la police secrète et le chef de cabinet du président Ismaël Omar Guelleh, qui est aujourd'hui le chef d'État djiboutien. L'un des arrivants aurait dit... La mission est accomplie, le juge Fouineur a été tué. Ça vous paraît crédible ? Bah, j'avoue que j'ai des doutes. Est-ce qu'une conversation aussi secrète aurait pu se tenir en plein air ? Ça me paraît quand même bizarre. Bon, je dois reconnaître que je n'en sais pas plus. Alors, y a un deuxième témoin aussi. Oui, c'est aussi un Djiboutien, un ancien conseiller diplomatique. En poste au Yémen, il aurait entendu une conversation entre son ambassadeur et le chef des services secrets djiboutiens. Malgré les propos sibyllins échangés entre les deux hommes, il aurait bien compris que le juge Borel avait été liquidé sur ordre du chef de cabinet du président. Mais ça vous paraît crédible, ça, non ? Pas plus, non. Évidemment, les autorités djiboutiennes démentiront avec la plus grande vigueur, traitant le premier d'affabulateur et le deuxième de voleur. Enfin, c'est quand même troublant. Alors, si vous le voulez bien, je vais me faire l'avocat du diable et examiner tous les points qui pourraient faire pencher la balance en faveur de la thèse du suicide. Bon, parce que vous-même, vous n'êtes pas persuadé que Borel a été assassiné. Attendez, vous voulez toujours être vite. Enfin, il y a d'abord cette constatation du médecin qui a le premier examiné le corps du magistrat. Oui, mais sans l'autopsie, rappelons-le. C'est exact, c'est exact. Dans son rapport, il affirme avoir observé une bouche noirâtre et une brûlure des muqueuses des voies aériennes supérieures. Il en conclut donc que Borel est sans doute mort d'un œdème pulmonaire dû à l'absorption de vapeur d'essence. C'est quand même contradictoire, ça, avec l'absence de suie dans les poumons constatée par le médecin légiste de Toulouse. Un expert venu de Paris, la patronne de l'Institut médico-légal, se prononcera aussi pour cette solution. L'œdème. Oui. D'autre part, si le magistrat a été tué préalablement, comment l'a-t-il été? L'autopsie de Toulouse n'a trouvé nulle trace de strangulation, ni hématome, ni présence de poison. Oui, mais enfin, c'était un corps à demi carbonisé qui a été autopsié. Bon, ça je vous le concède. Et puis il y a aussi cette histoire de la somme que le magistrat a retirée à la banque. Personne, et surtout pas Madame Borel, n'ont trouvé d'explication. Et la lettre enjoignant à son épouse de replacer l'argent sur son compte n'était-elle pas celle d'un homme qui s'apprêtait à en finir et qui voulait régler ses affaires avant de partir? C'est vrai que ce point-là particulier est bizarre, hein, cela n'est. Et ce témoignage du pompiste qui affirme avoir vu un blanc dans le 4x4 de Borel. Et comme beaucoup de Djiboutiens, c'est un consommateur de cat. Mais de drogue, quoi. C'est ça. On sait très bien que cette drogue atténue la vigilance de l'esprit. Et puis, ces deux témoignages surprises n'arrivent-ils pas bien tard, hein? En outre, ils émanent de gens dont on peut douter de l'intégrité. Vous voyez, ça fait quand même beaucoup d'éléments qui peuvent accréditer la thèse du suicide. Alors, allons jusqu'au bout, là. Ouais. Le scénario suicide, c'est quoi? Au bord du ravin. Borel se déshabille, s'asperge d'essence et descend dans le ravin. Là, avec son briquet, il s'enflamme, et fou de douleur, il se met à courir dans la rocaille, ce qui explique à la fois la dispersion de ses affaires et l'absence de traces de feu là où on l'a retrouvé. J'admets que c'est assez logique. Ouais, mais Elisabeth Borel n'y croit pas. Et elle est décidée à aller jusqu'au bout malgré les deux juges d'instruction qui sont prêts à clore le dossier. Et si je puis m'exprimer ainsi, elle va bénéficier d'un coup de chance. C'est quoi ça? Les deux magistrats instructeurs commettent une faute. Il se déplace à Djibouti avec cette experte de l'Institut médico-légal sans informer la partie civile, comme le réclament le droit et la pratique. Les avocats de Madame Borel entrent aussitôt dans la danse. Résultat, les magistrats sont dessaisis. Ça veut dire qu'un nouveau juge d'instruction va être nommé, ça, oui, hein? Celui-ci fait le voyage de Djibouti avec Madame Borel et ses avocats. Et dès son retour, il demande une nouvelle autopsie. Et c'est là que tout va se jouer. Mais auparavant, il faut quand même le dire, une grande chaîne de télévision, TF1 en l'occurrence, a produit lors de l'un de ses journaux un document troublant. Une note blanche de nos services de renseignement désignant le chef de cabinet du président Guélette comme le vrai commanditaire de l'attentat du Café de Paris. Oui, en effet. Oui. Quel crédit apporté à ce document? Les notes blanches sont des informations non signées, destinées directement au gouvernement. Et évidemment, ni Matignon, ni la DGSE ne se prononcent sur l'authenticité de ce document appelé à rester secret. Ouais, bon. Allez, finissons-en avec le suspense, hein. Oui, lors de la nouvelle autopsie, le corps de Borel, ou ce qu'il en reste, est radiographié. Ça devrait d'ailleurs être toujours le cas dans une autopsie, hein. C'est vrai, je suis d'accord, et ça aurait permis d'éviter pas mal de bévues. Les résultats de cette nouvelle expertise sont connus à la fin de 2002. Et ils sont surprenants. Les radiographies et les analyses du squelette révèlent un enfoncement important de la boîte crânienne. D'autre part, un os de l'avant-bras gauche est fracturé. En aucun cas, affirment les experts, ces blessures n'ont été causées par une chute dans le ravin dont les pentes étaient d'ailleurs assez douces. Alors ce sont le résultat de coups? Oui. Un premier coup très violent porté à la tête par un instrument contondant, et dans un réflexe de défense, Borel lève le bras. Et il est frappé une deuxième fois avant certainement de s'écrouler. Donc il a été réellement assassiné? Maintenant, il est difficile d'en douter. Il a sans doute été brûlé, puis son corps a été transporté dans le ravin. Et les tueurs ont disposé près de lui le bidon d'essence, le briquet, qui entre parenthèses ne portait aucune trace de flamme. Alors que si le magistrat l'avait utilisé pour mettre le feu à son corps, il aurait forcément été englouti dans la fournaise. Grossier maquillage, donc. Oui, mais qui a longtemps fait illusion, tant les parties en cause étaient peu empressées à découvrir la vérité. Les parties en cause, c'est quoi? C'est la France et Djibouti? C'est ce que je pense. La raison d'État, n'est-ce pas? J'en veux pour preuve l'un des derniers développements de cette affaire. Les avocats ont demandé au ministère de la Défense s'il existait un dossier des services secrets sur le juge Borel. Dossier dont aurait été extraite la fameuse note blanche dont vous avez parlé? Et il aurait été répondu qu'il y avait effectivement une douzaine de pièces. mais elles ne pouvaient être communiquées car elles étaient toutes couvertes par le secret défense. Ça me semble clair, non? C'est très pratique, le secret défense. Et quelle pourrait être la suite sur le plan judiciaire? Madame Borel et ses avocats ne renonceront pas. Mais vraisemblablement, ils n'aboutiront pas pour la raison que je vous ai indiquée, au nom des intérêts supérieurs de notre pays. J'ajoute que, selon d'autres informations, le juge Borel n'aurait pas été liquidé parce qu'il s'intéressait à l'affaire du Café de Paris, mais à une histoire de trafic de faux dollars où était impliqué du très beau monde. Pour terminer, je voudrais vous lire une autre interview de Madame Borel recueillie récemment par une journaliste de France Soir. Nous sortons aujourd'hui d'une nuit de 8 ans. Pendant toutes ces années, on nous a servi un mensonge d'État, on a porté atteinte à notre honneur. La justice a voulu construire et habiller la version du suicide, et après 8 ans de combats, de souffrances et même de menaces, nous avons mis fin à cette conspiration du silence. Question. Qu'attendez-vous aujourd'hui? Réponse. Je veux que la lumière se fasse sur toute cette affaire. Je ne demande pas seulement à ce que la justice reconnaisse que mon mari a été assassiné en service, je veux aussi qu'on comprenne les mobiles de ces assassins, qu'on sache qui a pu aller jusque-là pour le faire taire. Je réclame la justice, mais la vraie. Question. Que pensez-vous de la façon dont l'enquête sur la mort de votre mari a été menée? Réponse. Outre la version ignoble qu'on nous avait servie au début, on a cherché à nous atteindre par tous les moyens. Mon mari avait mis les pieds là, où il ne le fallait pas, et certains de ses collègues ont refusé de rencontrer le juge d'instruction pour faire avancer l'enquête, prétextant le secret de l'instruction. Je voudrais bien que la commission d'éthique, nouvellement créée, prenne exemple de leur comportement pour nous dire si ce sont des façons d'agir dignes de magistrats. À samedi prochain, je vous rappelle que sur notre site franceinter.com, vous pourrez réécouter cette émission, la réécouter aussi dans la nuit de dimanche à lundi.